Collection Cris Urgents. Cette nouvelle collection s'est imposée à un collectif d'artistes, Le Grand Souffle Édition, après la publication de la lettre anonyme de Gersand, avant de partir, ultime message d'une adolescente de 16 ans. Dans un monde collectivement menacé de tous les périls, où l'individu est réduit à une matière première, la vie à une exploitation industrielle de masse, la parole à un bavardage continuel, que reste-t-il à un homme, à une femme, quand dans leur existence la plus quotidienne, ils sont contraints à l'impasse? Le Grand Souffle Édition ouvre ici un espace concret pour réapprendre à crier. Cri urgent, une actualité du dedans. Voici la présentation du cri urgent de Véronique, 27 ans, danseuse. Mon soi-disant amour. Elle a rêvé de ce rêve qui hante tous les rêves inlassablement. Le rêve de trouver un jour mon amour. Elle a voulu, jeune femme d'une génération que l'on dit perdue, où tous les repères s'écroulent, ni pute ni soumise, elle a voulu ce qui toujours fut interdit aux femmes, le droit de jouir et de parler. Elle a vécu, de couple en couple, la même impasse. Elle a trouvé, en lui, en elle, le même refus. Son cri regarde, maintenant. Mon soi-disant amour, tu n'es pour moi qu'un être de vent. Cette histoire est terminée. Cette histoire n'a jamais commencé. Je disparais de toi qui ne m'accompagne pas. Je m'en vais de ce double torturant qui se joue du meilleur pour me faire vivre le pire. Je casse ce qui a toujours été brisé en son socle. Je te quitte. Je te quitte car je n'y crois plus. Je suis devenu hermétique à tout ce que nous vivons. Décalé, je ne peux plus répondre, personne au bout du fil. Insensible. Plus rien ne me relie à cette aventure. Plus rien qu'un sombre cri. J'étouffe dans cet enfermement, dans cette prison terrienne d'échecs à jamais. Tant d'années à buter sur des caillasses, toute cette recherche en vain, je n'en peux plus. Je ne peux plus croire que quelqu'un va me sauver de cette peau morte. Je porte mon fardeau et tu n'y changeras rien. Je le vivrai seul, sans personne à épargner, sans personne à qui mentir. Mon cœur ne s'emballe plus. Il attend. Je ne sais pas bien ce qu'il attend, mais ce n'est donc pas quelqu'un. Je n'ai plus l'élan qui me donnait des ailes, qui me faisait frémir. Je ne connais plus de sourire au réveil de nos tendres nuits. Je ne sens plus la caresse et l'appétit de mes lèvres sur les tiennes. Cela est mort en moi. Quand je t'aime, je ne me crois pas moi-même. L'instant s'écroule à chaque instant. Je ne peux le goûter. Je ne m'en souviens même plus. Je cherche désespérément à me convaincre d'une envolée vers toi. Souffler dans mes entrailles, frapper mes battements de cœur, retrouver la mémoire de nos intensités, elle ne me livre que des pensées vides. Les vagues formules du plaisir, ces mots sans délices que je ne rejoins pas, de quoi était-il donc question? Ces paroles plates, déjà en dehors, analysent, dissèquent, l'instant a été tué instantanément, le plaisir reste en question. Ce plaisir, tu ne me le donnes pas puisqu'il n'est plus là la seconde d'après. Alors à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon ces orages entre nous? À quoi bon ces interminables discussions, ces culpabilités, ces fidélités, ces efforts à faire? À quoi bon puisque je ne peux rien attendre de toi? Cet éphémère est éternel. Tu ne peux le combattre. Tu ne peux rien pour moi. Je suis flagellé par ma propre invalidité. Malgré moi, assomme tout possible à son apparition. Repousse les portes, détruit toute percée, ne laisse place qu'à la désolation. Ma perversité se délecte de nos malaises. Alarmé par cet acharnement au massacre, si ce n'est pas moi, c'est toi qui prends le relais du sabotage. Toujours un pour se fermer, toujours un pour entraver, jamais dans le même temps, longtemps, jamais au même endroit vraiment. Tremblante de cette alerte. Chaque fois que je te vois, je pense au moment où tu vas partir. Chaque fois que je jouis, je pense aux fois où je ne jouirai pas. Chaque fois que je suis tendre, je me pense dur prochainement. Chaque fois que je ne pense pas, je pense au moment où je pense. Quand je te sens m'aimer, je pressens les moments où tu me saliras. Quand je viens à toi, je te vois déjà me repousser. Quand je nous sens complices, je devine nos prochaines luttes. Quand il n'y a rien, c'est toujours trop. Nos calmes sont le lieu des plus grands tourments. Bouleversé de te sentir, j'appréhende notre rupture. J'en vis déjà les écueils. Je t'ai quitté dès que je t'ai rencontré. Tu m'as trahi dès que tu m'as fait l'amour. Chaque mot que je te donne ici, je le reprends. Chaque phrase est un piège pour mieux te posséder. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Je suis fatigué, fatigué de faire semblant, fatigué de ce manque de sincérité. Notre couple est un poids, une torsion. Notre entente, une mascarade. Nos étreintes, une grotesque gymnastique. Nos échanges sont tendus sur un fil de plomb qui risque la catastrophe au moindre détail. Dérapage dans l'insoutenable au tournant d'une rue, cela ne tient à rien. À tes côtés, un animal, en défense, aux aguets, pétrifié, je vis dans l'angoisse permanente de ce duo dont l'artifice peut exploser soudainement dans un terrible vacarme. Je vis dans l'angoisse permanente de ce puits entre nous, et pourtant, j'y tombe toujours de haut. Je me moque de cette petite fille que j'ai été pour qui la rencontre amoureuse était un fabuleux destin. Le poulain dans sa recherche de solution définitive à la solitude, le but ultime de ma vie. Là, dans son cocon, petite femme en manque de sensations fortes, rêvant devant les séries télévisées, se racontant des histoires dramatiques, mouillant dans son lit sauvage, hurlant et brûlant à l'égard de tout homme l'approchant, à l'affût du moindre désir à son égard, cherchant à se faire dévaliser des yeux au prix de tout. Rien n'arrêtait cette boulimie de contact, rien ne lui faisait peur, rien, pas même un meurtrier, pas même un Quasimodo, pas même la folie, rien, tout était bon à prendre. Je ne suis plus cette jeune fille désinvolte, amoureuse acharnée dans ses larmes d'amour et son regard abondant, ses mains magnétiques d'une douceur impromptue. Je ne sens plus ce désir insatiable et sauvage, la joie de vivre dans un corps attendri, attentionné, je ne suis plus celle qui jouissait. Dans la beauté de souffrir, d'aimer, parce qu'il est signe d'aimer, de souffrir, j'ai déliré, déliré toute ma vie. Je me suis enfermé dans une bulle de fantasmes, un monde à part, le mien. Je n'ai jamais aimé que des fantômes. Ma bulle enlevée a été brisée par tant de rencontres échouées, tant de poignards dans le dos, tant de chocs de haine, de renversements, de situations, tant d'échappées, tant de malentendus. Un fantasme universel m'a rendu dingue. Dingue de ne pas toucher ce que la télé et les romans nous racontent. Je ne me ferai plus avoir. Je peux être plus intelligente que toute cette bouillasse. Je ne suis plus si faible. J'ai été minable. J'ai honte de tout ce que j'ai vécu. Quand je pense à mon premier amour, trahi, j'ai honte. Le lit d'à côté, et je n'ai rien vu. Ma naïveté, si grande naïveté, a été mise à l'épreuve. Humilié par elle, ahuri, j'étais ahuri. Frappé par la réalité, ces fictions ont été mes bourreaux. J'ai baigné longtemps dans cette méprise. Je crois que je suis née folle amoureuse. Un amour fou, puis un autre. Il a fait un enfant à une autre femme. L'autre est parti, détaché, il jouit ailleurs, autrement. Il ne m'aime plus, il ne m'a jamais aimé. Je le hais encore. L'après, plus coriace encore que le dedans, on se poignarde jusqu'à la moelle, à la moindre occasion. On se fracasse de ne plus s'appartenir. La sclérose éclate. Des siècles de haine pour quelques clins de grâce. Une grâce que l'on a su apprivoiser. J'ai été déçu à chaque instant, même les meilleurs. Rien n'a jamais ressemblé à mes rêves. Ce que je croyais grandiose est définitivement si pauvre. J'aurais tout essayé. Je ne peux rien faire de plus. Tu es parfait, et pourtant, non, ce n'est pas ça. Non, rien ne me dérange en toi, plus rien, tu n'es pas mon coupable, rien n'a changé, rien ne changera. De somptueuses galipettes peuvent parfois frôler un semblant d'achèvement, mais ce n'est jamais vraiment ça. Tes chaudes pénétrations restent de lointains mirages, nos respirations sont des masques à gaz. Inspire à l'azote, expire à lacrymo, Nos larmes sont nos seules fluidités. Nous conjuguons un futur qui nous sauve de cette absence de temps. Ça ira mieux demain. Je suis soucieux aujourd'hui, indisposé. Plus tard, nous serons heureux, plus tard. Ah, tu verras, tu verras. Je ne vois que l'incisif écroulement de nos ébauches absurdes. Quand l'aurore d'un vertige me fait pencher vers ton épaule gluante, quand la rage d'un appel de chair m'attise à tes mains endolories, je suis collé au nerf de ma frustration, incandescente frustration. Je t'appelle, ta voix, ce n'est pas cela, elle ne me soulage pas de ma peine. Je te prends dans mes bras, ce n'est pas cela, ta chaleur ne me réchauffe pas. Ta peau vibrante ne fait pas revivre la mienne. Ta présence ne comble pas ton absence. J'ai mal de tout ce que tu es, dès que tu es. J'ai mal de tout ce que tu n'es pas moi. Rien ne peut me rassurer. Plus tu me dis ton amour et plus je le méprise. Tu es impuissant. Tu cherches à rassurer un cadavre. Cela tombe en moi comme dans un trou et se dissout dans la mare. Tu crois au trésor, moi je n'y crois plus. Ou trop. Rien de toi ne m'atteint. Ton désir ne me concerne pas. Cette image que tu aimes, ce n'est pas moi. Tu me vois comme tu veux et te trompe si souvent, toujours à côté. Ce n'est pas moi que tu désires tant. Piégé dans cette misère, comment veux-tu m'apprivoiser? C'est ton fantasme que tu caresses, c'est ton fantasme que tu écoutes. Tes propres mots viennent remplacer les miens. Tes envies sournoises m'accusent. Je peux lire tes délits dans tes délires. Ta maladive jalousie me fait signe de tes cachotteries. Il n'y a que du toi en toi. Ta propre odeur t'excite. Tu ne connais pas ma peau. Tu me goûtes comme tu l'entends. Je te dérange. Ce que je suis ébranle ton petit monde. Mes chaînes te menacent. Ah, comme tu n'affrontes pas mon hystérie. Le cri d'un territoire inconnu t'encombre. Je ne suis que souffrance sur pattes. Tu me fuis justement là et me fais payer ma propre torture. Comment peux-tu dire m'aimer si tu me lâches au moment où j'ai besoin de toi? Mes naufrages atteignent donc ta puissance. Je devrais être comblé par ta bite endiablée. Je n'ai pas le droit de cramer sans ouvrir ta blessure de mal. Quand mes monstres m'attaquent, les tiens se révèlent. Deux dragons se crachent à la figure en tentant bêtement de se faire entendre. Dans le feu de ma terreur, la tienne émerge. Tu t'envoles. J'attendais d'un homme qu'il me protège. Foutaise, tu es si loin de moi. Tu nourris mes peurs de tes peurs et de tes absences. Quand mon corps devient pierre et que la rigidité de mon cœur me met à l'étroit de moi-même, je ne suis plus à même d'aimer. J'attends que tu me tendes la main. Tu me donnes un coup de pied. Tu ne comprends rien à moi. Je ne comprends rien à toi. Choc. En fait, il n'est pas comme je crois. Je le découvre autrement. C'est ça, lui? Ça peut être ça. Mais c'est complètement différent de ce que je pensais. Je ne le connais pas, en fait. Avec les autres, tu n'es pas comme avec moi. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Aurais-je donc choisi qui tu allais être? Je baisse les bras, c'est toujours la même histoire que je revis sans cesse. Les mêmes mots, les mêmes souffrances, les mêmes déceptions. Je me suis pris trop de bombes dans la gueule. Pourquoi une de plus? Je ne suis pas maso. Il faut être maso pour retourner une fois de plus dans ce merdier. La rencontre est un clash à retardement. On sait très bien que l'on va se détruire. Je sais que tout ce que je te dis se retournera contre moi, que chaque moment de plaisir laissera place à une douleur de la même intensité, sinon plus grande. Nous rencontrerons toujours cet angle mort qui nous sépare, qui nous assassine, l'asphyxie d'avoir voulu s'aimer. Plus nous nous aimerons et plus l'écart sera grand, plus la torture sera lente. Nous plongerons dans la glu après toute euphorie, et de plus en plus. Sans relâche, le miel de notre lune fondra dans la bouche de nos égouts, se dissoudra en flaques glissantes avant même que nos papilles ne s'en ravissent, se cristallisera dans le bitume avant même que nos canines n'y croquent. Je n'ai plus d'élan vers ce plaisir. Il ne vaut pas le coup. Je n'ai plus l'élan de retourner dans le gouffre. Rien ne vient contrer cette désillusion. Rien n'est à la hauteur de ce désespoir. Je ne vois pas de raison valable à vivre cela. Baiser, jouir, que me rapporte cette jouissance? Elle n'est même pas à la hauteur de mon désir. Tant de sarcasme pour si peu. Cela n'a pas de sens. Jouir de l'autre n'a pas de sens. Un autre pénètre, il doit passer la douane, les torches pointées sur ses stupéfiants stratèges, un contact étranger, tous les sens reprochent, interdisent. La police a ses lois. Tu ne jouiras pas sans moi. Tu ne seras que pour moi tout en étant toi-même. Tu seras dur sans faire mal. Tu seras violent tout en étant tendre, sauvage mais distingué. Tu me domineras tout en me laissant le contrôle. Tu me laisseras te refuser tout en me forçant la main. Tu réussiras à m'emmener là où je ne veux pas aller. Tu n'iras pas sans moi. Tu n'iras pas sans moi. Jouir dans une telle dictature ? Tout cela n'est que la révélation d'une colossale frustration. L'orgasme ne me va pas, ne me suffit pas. Je ne suis jamais apaisé. J'ai tant rêvé, mais face à l'objet, si peu de liberté. Un tel pare-brise dans l'entrecroisement des corps qu'il n'y a aucune saveur. Je ne connais plus l'envie de jouir. Cette sensation a disparu. L'acte sexuel me paraît dérisoire, quel qu'il soit, dérisoire, ridicule, pauvre, si pauvre. Ce coït mécanique d'un soulagement à peine perceptible. Et toutes ces choses auxquelles j'ai cru, cette intensité de plaisir qui viendrait tout transformer et qui viendrait m'oublier. Je sature. Non, vraiment, ce n'est pas ce que je croyais. J'en ai assez. J'en ai assez! Assez de me faire croire que je suis avec l'un alors que je peux être partout, obsédé par des scénarios où tu n'existes pas, inondé par les visages de mon passé, touché par la beauté des hommes, fasciné par leur puissance, attiré par leur regard phallique, mon ventre est alléché par l'entrebarésie des femmes, par leur poitrine dénudée et leurs délicats fessiers. Je boue dans le métro, je boue seul dans ma chambre. Quand je transpire de ces images, je t'évapore. Je souffre d'être constamment dévié de toi. Je souffre de cette incohérence et terrifié à l'idée que tu en fasses de même. Panique de l'effet que ces élégantes voluptés peuvent avoir sur toi. Pourquoi donc te faire confiance quand je me méfie de moi-même ? Assez de me faire croire que je fais l'amour alors que je baise. Ta jouissance, je m'en fous. Je satisfais ma pulsion égoïste à l'aide de ton outil que je manipule à ma guise. Qui a donc vu de l'amour là-dedans? Des chiens, des chiennes qui se montent sur le coin du trottoir. Des bêtes en chaleur qui n'osent alors se regarder dans les yeux. Assez de dire j'ai envie de toi, alors que je veux te détruire. On n'est pas amoureux, tu comprends? On n'est pas ensemble, on n'est jamais ensemble. On se menace trop pour se dire ensemble. Tu me donnes le couteau, je te plante. Je te plante, tu m'entends? Sans retenue, sans morale, je te défonce au moindre faux pas. Je suis prête à cela. Tu l'as senti, n'est-ce pas, ce danger, cette rage tyrannique? Je te tue si tu n'es plus avec moi. Je te tue si tu t'arrêtes. Tu peux t'arrêter à chaque instant. Tu peux me laisser dans cette attente vertigineuse. Tout peut s'arrêter à chaque instant. Tu peux me détester en quelques secondes, en quelques mots. Je peux te trahir en un regard, en une pensée. Chaque intensité pour toi est un oubli de moi. Chacune de mes ouvertures te fait peur. Chacun de mes soulagements te crispe. Si tu guéris, tu n'auras plus besoin de moi. Ta beauté me menace. Tes délivrances me terrorisent. Si je me déploie, tu meurs de jalousie. J'ouvre les bras vers la joie, tu te vides. Tu es ma censure. Si la vie me touche, je te risque. Je risque d'être seul dans ma douleur, seul dans ma joie. Et je suis ta censure. Rien ni personne n'a le droit à ton enthousiasme. Rien d'autre que moi n'a le droit de te faire danser. Interdit permanent nous interdit l'impermanence. J'ai besoin de cette liberté, besoin de cette indépendance, de suivre mes rythmes et mes mélodies, de me laisser couler dans mes multiples moules et d'écouter mes effluves. Malheureusement, tu ne peux pas être tout. Personne ne peut être tout. Mes parties affamées suffoquent de perdre la partie, prise au piège de mon attachement. J'ai tenté de les taire, si souvent. Je leur ai demandé de me laisser tranquille, de me laisser vivre de toi seul. Leur colère étrangle ma demande. Leur plainte hurlante balance mes tripes aux vagues de la dépression. Sur le pont, je me laisse parfois divaguer. C'est dur, si dur de voyager seul dans ces feux, disloqué dans ces mille morceaux de moi que tu ne peux embrasser. Combien sont les étages de toi qui ne m'appellent pas ? De nos immensités, nous ne touchons que les doigts de pied, des muselières pour pouvoir se rencontrer dans l'étroitesse de nos lieux communs. Je ne veux plus rien te sacrifier, je ne veux plus me contraindre. Et pourtant je te convoque. Et pourtant je t'attends. Je t'attends à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a que moi. Je t'attends dans mes silences. Je t'attends dans mes hurlements. Je t'attends dans ma faim. Personne. Tu réponds à l'appel quand ça t'arrange, quand tu sens une promesse de baise derrière. Assoiffé de toi, je ne suis plus que manque. Quand je te quitte, désemparé, je retrouve cet endroit où tu n'as pas lieu d'être. Quand enfin je touche ma réalité, la consolation d'être vivante en moi seule, je t'oublie. Ma solitude te trahit. Nos retrouvailles sont alors un calvaire. Tout est à reconstruire à chaque rendez-vous. Sommes-nous vraiment faits pour cela? Sommes-nous en train de nous acharner contre nous-mêmes? Mon flair respire les vapeurs d'une arnaque. Cette soyeuse parure a une odeur de synthétique. Et pourtant je te garde en mes boyaux. Je m'essouffle à te tenir au millimètre. Si je te lâche, tu ressentiras donc cette irréalité de nous, ce ciel de toi où je ne suis pas. Hors de question. J'ai trop souffert d'être délaissé, de ne plus saisir toute l'attention, un paquet cadeau que l'on jette une fois déballé, ignoré dans mon appel, ignoré à côté de toi qui frétille d'impatience. Le faisceau détourné de tes yeux foudroie. Je n'existe que dans ton regard, dans ton oreille, dans ta bouche. Si l'un de ces organes se retourne, je crève. Un jour tu me trouveras laide et je n'aurai plus rien. Un jour ton désir s'épuisera, car il s'épuise toujours. Un jour tu m'auras tellement possédé que tu ne feras plus d'efforts. Un jour une autre image sera nécessaire à ton besoin de changement. Un jour tu te lasseras de cette beauté factice. Je ne serai plus ta reine, je ne serai plus belle, je ne serai plus celle. Tu mentiras, parce que tu auras peur de perdre ce que tu possèdes déjà. Tu cacheras tes jugements et tes désirs d'ailleurs, que tu n'assumeras pas. Je ne serai plus qu'une charge de souffrance. Nous serons nostalgiques de nos débuts. Nous serons mornes de nous accrocher à un cercueil. Je ne chanterai plus, je ne danserai plus, je ne sentirai plus ton regard fasciné sur mes formes, sur ma peau. Non, c'est insupportable de vivre ça. Je ne peux pas le vivre. Comprends-tu que je ne suis pas assez forte? Je ne suis pas celle que tu crois aimer. Je ne peux pas survivre à l'humiliation. Pas une fois de plus. Si tu me trahis, j'en mourrai. Et tu me trahiras, parce qu'on ne peut que trahir un rêve si insensé. Je ne peux pas m'engager vers l'enfer. Tu n'es qu'une promesse d'enfer. Où est la porte de secours? Au secours, je recommence à avoir des attentes. Au secours. Je sais pourtant l'issue, mais cela recommence. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne me laisserai pas faire. Je ne te donnerai pas les armes de ma propre destruction. C'est une folie. Je ne veux plus devenir folle. Je ne céderai pas à tant de bassesse. Je ne veux pas vivre cet état misérable. Le rejet, la solitude, l'impuissance. Non, non, non, non, non. Je ne veux pas mourir encore. Je ne te donnerai pas cet amour. J'y risque ma perte. Je ne te donnerai pas mes sourires. Je ne te donnerai pas mes bras. Je ne te donnerai pas ma bouche. Ni mon sexe. Ni mes larmes. je risquerais de me donner tout entière. Que tu me tues tout entière. Que tu m'extermines. Je ne peux pas sentir d'amour dans un tel danger d'anéantissement. Dans mon rêve, il ne partait pas, il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas cesser d'être mien. Tu es mon pire ennemi, depuis que je te sais seul, depuis que je me sens seul. Je suis à bout. Quelle est cette veine qui pousse encore à l'incontournable chute, à l'impossible possession? Tout se perd, tout se perd. Cette vie est un risque à chaque pas. Ce cœur peut s'arrêter de battre. Cette beauté s'effondrer d'un coup de fourchette. Cette richesse s'évanouir en plein vol. Cette amitié mourir en ton absence. La réussite allait droit à l'échec. Rien n'est à toi. Ton œuvre t'échappe et te malmène, dominée par toutes tes émanations. Rien n'est protégé, rien n'est assurance, attelé à se battre, même dans l'essoufflement, pour défendre ces biens qui ne t'appartiennent pas, pour défendre ces pays qui ne t'accueillent pas, pour suivre une norme qui te déforme. Le cri de ta rage ne retentit qu'en toi. Personne ne t'entendra. Tu payes chacun de tes dévoilements, tu payes chacun de tes lâcher-prises. Si tu en dis trop, on te vire. Alors tais-toi, si tu veux niquer, protège tes nids, protège tes pique-niques, avant qu'on ne te les pique. Et marche bien droit, car si tu boites, on te remplace. Dissimule tes moignons, témoigne de ta grâce, cache ta jambe de bois, si tu veux qu'on te garde, reste sur tes gardes. Tu ne pourrais ne plus convenir, tu pourrais ne plus faire le poids. Tu ne feras vraiment jamais le poids. Contre tous, toujours perdre ta place, si tu en trouves une, si fragile. Comment fais-tu? Comment font-ils? Soumise à cette perdition, je recule. Je préfère ne rien vivre, ne rien gagner, ne rien créer. Je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien.